qui ne me regarde pas. Tu fais comme si j'étais pas là. Des imbéciles, je suis le roi. Le maudit jour où tu m'aimes pas.